Chers amis, bonsoir. Bienvenue à cette émission qui s'appelle L'Opineur du Chef. C'est Denis Barry qui est avec vous, qui vous parle en ce moment et qui sera là avec vous jusqu'à 22h ce soir, silencieusement. Mais en musique cependant, et j'espère que tout ça va vous plaire. Je préparais ça en pensant justement à vous, en m'imaginant que vous aimeriez ça. Alors, c'est un plaisir à chaque fois pour moi de me pencher sur la discothèque et de me dire « Ah oui, celle-là. » Peut-être. On va l'essayer. C'est ce qu'on va faire ce soir jusqu'à 22h. On va faire un chemin qu'on connaît, un chemin qui est vraiment pas déroutant. C'est l'émission, comme je le dis si souvent, peut-être la plus... peut-être plus la moins déroutante de la grille horaire de CKRL, puisqu'on est dans les mêmes chemins depuis 25 ans. On se promène en ramassant nos cailloux qu'on avait laissés tomber, puis qu'on les retrouve assez facilement. Alors, je pense qu'à certains égards, c'est peut-être rassénérant de savoir ça. Dans ce siècle où tout change, tout va si vite et tout va rapidement, c'est pas mal la même affaire. Mais il y a des moments comme ça qu'on a envie de s'arrêter, puis juste rien, tu sais, juste être là, puis que ce soit facile. C'est ce que je vous souhaite, et j'espère que votre journée était bonne, facile, que les gens ont été gentils avec vous. Je salue tout particulièrement tous ceux et celles qui nous écoutent dans un autre espace-temps, demain, tiens, ou après-demain, ou qui vont réécouter ceci plus tard. Alors, mais je salue aussi ceux du temps présent, ceux qui sont là ce soir. Peut-être que vous êtes seuls, peut-être que de savoir qu'on est une jolie équipe de monde qui sont à l'écoute de cette émission chaque semaine. Ça vous dit que, bon ben, vous êtes peut-être un peu moins seul. C'est ce que moi je me dis en tout cas, parce que l'acte de faire de la radio, c'est probablement l'acte le plus solitaire et le plus collectif à la fois que je peux faire. Et ça me fait bien plaisir de partager ça avec vous. Sans plus tarder, je laisse aller les sons et je vous souhaite une belle demi-heure. On se retrouve tout à l'heure de l'autre côté de cette plage musicale. Bonne soirée à l'antenne de CKRL. Je vous souhaite un beau jeudi soir. Un beau retour si c'est ce qui se passe pour vous. J'espère que vous avez trouvé ce que vous cherchiez. C'est toujours la grande affaire, hein? Trouver ce qu'on cherche. Bonne soirée. C'est CKRL, c'est L'Opineur du Chef et c'est Denis Barry. I was going to wait a while before we talked about. Maybe we'll talk about it now so you can think about it, because we all have to make some kind of plans for ourselves. It's a free concert from now on. That doesn't mean that anything goes. What that means is we're going to put the music up here for free. Now, let's face the situation. We've had thousands and thousands of people come here today. Many, many more than we knew or even dreamt or thought would be possible. We're going to need each other to help each other to work this out, because we're taxing the systems that we have set up. We're going to be bringing the food in. But the one major thing you have to remember tonight, when you go back up into the woods to go to sleep, or if you stay here, is that the man next to you is your brother.

Wednesday morning at 5

Don't let it bring you down. It's only castles burning. Just find someone who's turning, and you will come inside.

Radio song called Radio Waves. You're listening to Chaos in Los Angeles, and we've got Billy on the line. You're from the Valley. Thank you. If you fall asleep with me, you can dream and drowse. The minutes turn to hours. We could climb a tree or two. Watch the sun go down upon our sleepy town. After all the time I spent with you, summer went away and we just weren't the same. It's just you and me alone. I've grown up but not kiss. You kiss me on the lips. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur du blues avec le légendaire Eric Burdon. Leader du groupe The Animals dans les années 60 et de la formation californienne War dans les années 70, le chanteur britannique nous présente son nouvel album Till Your River Runs Dry ainsi que ses grands succès. Le 24 octobre, vivez la musique à son meilleur avec Eric Burdon. Détails au palaismontcalm.ca. Du 6 au 10 novembre se tiendra De la parole au conte, le rendez-vous de la parole contée à Québec. Des artistes de plusieurs régions du Québec, dont les îles de la Madeleine, se rejoignent dans la capitale pour vous offrir 5 jours de spectacle aux voûtes de la Maison Chevalier et au bar Le Sacrilège. Contes pour les grands, spectacles jeunesse et concours de la meilleure menterie. Programmation complète et billets en prévente sur lesamisimaginaires.ca. De musique ou un collectionneur averti, le 9 novembre aura lieu la première foire du disque de Québec. Des vendeurs de toute la province seront présents avec des milliers de disques vinyles. Rendez-vous de 10h à 16h au Centre récréatif Saint-Roch, 613 rue du Prince-Édouard. 2$ l'entrée. Pour plus d'informations, visitez foiredudisquequebec.com. Maintenant, à la Barberie, en plus des 9 bières en fût, une bière en bouteille est servie au bar. On pige dans des cuvées spéciales, des bières rares, des bières vieillies. Mais allez-vous servir des bières ordinaires? Des bières ordinaires à la Barberie. Non. Mais des régulières, alors? Oui. Pour connaître la bouteille du jour, de la semaine ou du mois, consultez notre menu à labarberie.com ou sur notre page Facebook. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi! Alors, si vous êtes à l'écoute en ce moment, c'est que vous êtes encore bel et bien vivant. Alors, je vous remercie beaucoup d'être là. C'est Denis Barry qui vous parle. C'est l'émission L'Opineur du Chef. En temps réel, il est 9h05 et puis la vie continue son cours. Et demain, elle va le reprendre et puis ça sera autre chose. C'est ça qui est merveilleux. Alors pour ce soir, c'est ce qui se passe depuis 20h30 sur CKRL. C'est un bloc un peu veille de pleine lune, j'en conviens. C'était choisi énergiquement et un peu... 1980, c'est une époque qui a pas été facile pour le rock. Je sais pas si vous êtes de mon avis. Il y a quantité de groupes rock qui se sont effacés ou ceux qui ont passé au travers et l'ont fait de brillantes façons et ont contourné le problème autrement. Tout ça pour dire qu'il a joué des choses qui oui, dataient des années 80, mais qui, pour moi, dans les années 80, c'est quand même fait de belles choses. C'est fait, il y a eu des groupes importants et qui sont encore là. Ce groupe dont je vais vous parler n'était pas d'un groupe des années 80, n'était pas d'un groupe, il était plutôt un groupe des années 90. C'était Porcupine Tree. On les entendait dans un festival pop... qui avait lieu aux États-Unis, qui jouait une chanson de leur dernier disque à l'époque, Lightbulb Sun, pour ne pas le nommer, et la chanson c'était Last Chance to Evacuate the Planet Earth. Avant ça, on a entendu Wild Pat, c'était Alan Parsons Project avec David Gilmour qui faisait le slide guitar sur cette chanson-là. C'était une certaine forme de réconciliation parce que Alan Parsons, je l'ai déjà dit, avait claqué la porte du groupe puisqu'il était l'ingénieur du son des Pink Floyd pendant de nombreux albums, notamment Atom Heart Mother, Metal et pour terminer Dark Side of the Moon. Et après ça, il a décidé de partir de là et de former son propre groupe. Et il y a tellement de bons techniciens qui sont de bons musiciens aussi. C'est la preuve en est, hein, en est là. J'en perds mes mots. Et tout juste avant Wild Pat, on a entendu U2 avec With or Without You. C'est un bel exemple d'un groupe des années 80 qui a fait son nid et puis qui a poursuivi, qui est devenu le groupe qu'on connaît maintenant. Et voilà. Tout juste avant lui, on a entendu Radio Chaos de Roger Waters qui venait, lui, de quitter la formation des Pink Floyd après Final Cut. Et qui était en fait son disque, et puis qui avait décidé de faire une carrière solo, et sa première carrière solo, il l'a fait avec son disque Radio Chaos. On a entendu la chanson thème. Et on disait tout à l'heure, parce qu'il y a des amis qui sont sur le Facebook de l'Opinard Chef, si toutefois ça vous chante de vous joindre à nous, si c'est agréable, ça cause musique qui est potin, et amicalement. On disait que Radio Chaos avait joué ici même. Roger Waters était venu jouer ce spectacle-là au Colisée. Et ce spectacle-là avait été enregistré. Et les bandes de ce spectacle-là étaient restées à Québec. Et de ces bandes-là sont sortis plusieurs disques pirates. Peut-être que plusieurs d'entre vous les ont. Alors, si vous les avez, ben vous êtes des chanceux. Comme dirait un des commentaires d'un auditeur qui fait partie du Facebook de l'Opinard Chef. Alors, vous avez juste à faire Opinard Chef sur Facebook et demander d'entrer dans le groupe. Et c'est simple comme bonjour. Il n'y a pas de cover charge, rien, c'est gratis. J'ouvre la porte puis vous rentrez. C'est simple. On avait débuté l'émission, ce bloc musical avec une pièce qui ressemblait vraiment pas, mais vraiment pas aux autres. C'était Journey to the Center of the Mind plutôt. C'était avec Amboy Duke. C'est un groupe qui m'était cher dans ces années-là, dans les années 70. C'est un groupe qui était venu jouer ici à Québec au pavillon Pollack. Et j'avais été fortement impressionné par le guitariste de ce groupe qui s'appelle Ted Nugent et qui a fait sa carrière aux États-Unis et au Canada avec brio et succès. Mais Amboy Duke comme tel ont fait des disques, au moins deux, intéressants pour l'époque. Faut se rappeler, là, tu sais, aujourd'hui, il en sort un par jour, un disque, mais à l'époque, quand on était dans les deux chiffres un petit peu moins avancés, il en sortait moins, tu sais. Il en sortait un par mois, une fois deux, trois peut-être. Donc, quand il en arrivait un qui sonnait un peu différent des autres, c'est sûr qu'un de la gang se le procurait, puis on se faisait des cassettes, puis on l'écoutait dans la chambre ou dans le sous-sol de l'autre et de l'un. Donc, Amboy Duke, c'est un peu ça pour moi. Ça évoque cette époque où vendredi soir, samedi soir, dimanche après-midi, on écoutait des disques aller-retour, comme ça, entre amis. On fait encore ça maintenant avec les laptops, là, mais tu sais, ça va plus vite un petit peu. Ça change rapidement de chanson, puis ça sonne, dépendamment des haut-parleurs que tu mets dessus, là, mais souvent, ils n'en mettent pas. Là, fait que ça sonne un petit peu le couvert du laptop. Là. On peut penser que ça sonne pas pire. Enfin bref, vous écoutez l'Opinard Chef à CKRL, l'émission la plus sérieuse à Québec. C'est Denis Barry qui vous parle. Et sans plus m'attarder, je vais faire jouer de la musique. Et ça jusqu'à 22h, j'espère que tout ça vous plaît. Je vous souhaite une belle soirée. Si vous êtes à revenir, ben je vous souhaite un beau revenir. Et puis si vous êtes à rester, ben je vous souhaite d'être bien où vous êtes et d'en profiter pleinement, puisque ça vient de finir, ça a déjà passé. Alors, la lune est là. Elle veille sur nous. Je vous souhaite une belle soirée à l'antenne de CKRL. Et un beau voyage, tiens. Pour votre sécurité durant le vol, veuillez garder votre ceinture attachée. If you are away from your seat when the seatbelt sign illuminates, please return promptly to your seat and fasten your seatbelt. Si vous n'êtes pas à votre siège lorsque la consigne des ceintures s'allume, veuillez retourner le plus rapidement possible à votre place et attacher votre ceinture. Should there be a loss of cabin pressure, an oxygen mask will automatically fall from the compartment located above. En cas de dépressurisation de la cabine, un masque à oxygène. We told our tales as we sat under morning and sleepy sky. Will all the colors of the sunrise shining in our eyes? One then another, with a story of yesterday's lies. Or of a lover who had gone in a moment of strife. No thought of sleep ever dwells upon the wise man's mind. Some task or audience stealing every moment of his time. Thus we have learned to live while mortal men stand waiting to die. How can we do what must be done in just one short night? Still doubt, you should be told, it was not we that made it so, it was by those who went before. And there you sit, tomorrow's child, so full of love, so full of light, but you must rise to meet the day, lest you sit, tomorrow's child, so full of love, so full of life, but you must rise to meet the day, lest you become another when the white eagle of the north is flying overhead, and the browns, reds, and golds of autumn lie in the gutter, dead. Remember then the summer birds with wings of fire flame, come to witness spring's new hope, born of leaves decaying. As new life will come from death, love will come at leisure. Love of love, love of life and giving, without measure, gives in return the wondrous yearn of a promise, almost seen. Live hand in hand, and together we'll stand on the threshold of a dream. Je vous assure qu'ils l'ont vraiment pas terminé de cette façon-là. C'est une défaillance technique de 2013 qui fait qu'on peut pas reproduire correctement un truc qui est enregistré sur un magnéto de Radio Shack en 1971 au Petit Colisée de Québec. C'était bien sûr Pink Floyd avec Atomic Mother. C'était leur version en spectacle. J'espère que ça vous a plu. Malgré la qualité de l'enregistrement, il reste que c'est un merveilleux témoin de la qualité des musiciens, leur grande qualité de performeurs et d'improvisation qu'ils avaient à l'époque et du plaisir qu'ils nous donnaient et qu'ils nous donnent toujours après toutes ces années. Comme disent certains membres du groupe Facebook de l'Opinion du Chef, à quel âge ça se termine l'adolescence? Et la réponse a été un peu... je pense que le consensus s'est regroupé autour d'un gros jamais écrit en Helvetica Bold. Et je vous avais bien raison, j'ai l'impression qu'on... Autant on peut garder le petit enfant qu'on a toujours été à l'intérieur, autant que l'adolescent qui a passé par après a laissé ses traces et traîne ses bottes un peu partout à travers la vie que l'on mène, même si on mène une vie formatisée, standardisée, avec des automates ou avec des machines, il n'en demeure pas moins que à la première occasion qu'on a, si on ouvre la fenêtre et on se pousse. Et c'est un peu ce qu'on fait le jeudi soir à l'Opinion du Chef. J'espère que c'est l'esprit dans lequel vous êtes. En tout cas, c'est l'esprit que dans lequel je suis et que j'essaie de vous communiquer, quoi. Tout juste avant Atomic Mother, on a entendu Mother Tongue avec Dead Can Dance, The Dreams. C'était les Moody Blues. Tales, c'était Hurry Up. Je le dirai jamais vraiment de la bonne façon, mais peu importe. Hurry Up. OK, ça pourrait être ça. Et puis, voilà, c'est ce qui a joué depuis 21h. On a dépassé notre heure et déjà rendu 10h-20. Il y a des pubs qui doivent passer. Je vais les passer à l'instant. Et puis, si toutefois vous voulez réécouter tout ça, c'est possible de le faire en revisitant le site de CKRL et en trouvant la rediffusion des émissions. Vous allez retrouver l'Opinard du Chef là-dedans. Et puis, vous allez pouvoir réécouter les pièces que vous avez aimées ou qui vous plaisent, je vous le dis comme ça, ou que vous voulez réenregistrer, parce que c'est quand même des pièces de collection, ce que je viens de faire jouer là. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont ces pièces-là. On est quand même chanceux de pouvoir écouter ça ensemble à CKRL. Téléchargez l'Opineur du Chef sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% à chaque fois que vous faites un achat chez Seb's Tea et Lounge au 67 René Lévesque Est. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-pratique. La 7e édition du Festival de jazz de Québec, sous la présidence d'honneur de Raoul Duguay, aura lieu du 15 au 27 octobre. Plus de 80 spectacles qui animeront la ville avec comme invités de renommée internationale Nicky Yanofsky, Roy Hargrove, Ravi Coltrane. Les grands noms du jazz au Québec livreront des performances au Théâtre du Capitole. Cette année, le festival célébrera la rencontre du jazz et du classique en collaboration avec l'OSQ au Palais Montcalm. Informez-vous sur jazzaquebec.ca. Aujourd'hui, je sors de prison. Mon père vient me chercher dans un char volé avec de la coke dans la boîte à gants puis une pute sur la banquette arrière. Mon père avait pas changé. Il y avait sans doute une raison pour qu'il soit soudainement si gentil. Le Théâtre des Miettes dans la Caboche présente du 15 octobre au 2 novembre à premier acte la pièce Coronado de Denis Lehane, l'auteur de Mystic River. Ce projet est réalisé grâce au soutien de l'Entente de développement culturel entre le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine et la Ville de Québec. Pendant tout le mois d'octobre, à chaque jour de semaine, soyez à l'écoute des Matins éphémères et de Change de disque et courez la chance de gagner un prix. Plus de 40 cadeaux pour nos 40 ans. Le 31 octobre, parmi tous les gagnants du mois, un panier cadeau d'une valeur de 200$ sera offert par la chocolaterie Érico. Juste à temps pour l'Halloween. Un numéro à retenir, 418-640-1586. Soyez attentifs. Le concours est réservé aux membres de CKRL et à ceux qui souhaiteraient le devenir. C'est à notre tour de vous gâter. Pourquoi la Barberie n'utilise-t-elle pas de clichés pour vendre les délicieuses bières qu'elle embouteille? Parce que nous sommes différents. Wow. en vente chez tous les bons marchands. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. many sights to see. And when I look in my window, so many different people to be, that it's strange, so strange. You got to pick up every stitch, you got to pick up every stitch, you got to pick up every stitch. Must be the season of the witch. Must be the season of the witch, yeah. Must be the season of the witch. When I look over my shoulder, what do you think I see? Some other cat looking over his shoulder at me, and he's strange, sure is strange. You got to pick up every stitch, you got to pick up every stitch, yeah. Beatniks out to make it rich. Oh no, must be the season of the witch. Must be the season of the witch, yeah. Must be the season of the witch. Ici, Cécile Barry. Je suis la maman de Denis Barry, l'opineur du chef. Quand il était petit, Denis y était pas tenant. Non, souvent, il restait dans sa chambre pendant des heures. Il jouait des disques. Il n'a pas changé, vous savez. Aujourd'hui, il fait encore pareil, le jeudi soir, de 20h à 22h. Son émission s'appelle l'opineur du chef. C'est un drôle de titre, vous trouvez pas? Mais Denis, c'est un drôle de garçon.